sais pas, on reste là. Mais tu ne m'as laissé le choix. Je n'y suis pour rien dans tout ça, moi. Le fait de me voir loin de toi te fait te dire qu'ici ça va. Mais loin de là, pas facile pour moi. Ceci dit, j'ai accepté. Toi et moi, c'est du passé. Et oui, le vase est déjà brisé. Si je m'écoute, on devrait garder ce lien si privilégié. Même si je sais que j'en souffrirai.